France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 149. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 8 février 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Ce matin, dans Panique au Mangin Palace, avant tout, tu es totalement solidaire des inquiétudes de nos concitoyens de la Martinique et de la Guadeloupe. On commence donc par cette grève générale en Guadeloupe. 2 semaines que l'île est totalement paralysée, plus d'essence, plus de nourriture. Oh, ça va, la Guadeloupe, ça intéresse personne, hein. C'est RFO. Quoi? Bah RFO, la chaîne de télé des Dom-Tom. C'est 50 000 téléspectateurs. Je sais pas si tu vois la loose, hein. Même Patrick Sabatier n'a pas voulu aller bosser là-bas. Là. Alors RFO, bah, ils peuvent m'attendre un moment, hein. Oui, bon bah, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un bobernum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du Joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, invariablement, nous commencerons par notre espiègle fils laïque et freudien, durant lequel aujourd'hui, nous croiserons quelques seigneurs, le baron de l'île de Ré, le marquis de la Relance et le duc hongrois Zoltan. Dans la foulée, direction Lugdunum, la capitale des Gaules, où nous te dévoilerons les coulisses de ce voyage gouvernemental où François Fillon, à Lyon, nous a exposé ses 1000 propositions. Ensuite, figure-toi qu'en prévision du bicentenaire de la naissance du théoricien de l'évolution, nos joyeux fantômes de l'INA ont organisé une curieuse cérémonie que nous t'offrirons avec délectation, à savoir la remise des Darwin en chocolat. Immédiatement après, nous te raconterons comment Jean-Claude, le nouveau président du comité des fêtes de Grosboules-les-Bains soutenu par Monique, a décidé que la création artistique devait être la réponse à la crise économique mondiale. Et puis, comment ne pas évoquer ici l'affaire Kouchner? Eh bien, notre facétieux reporter a tout simplement décidé de s'intéresser à l'ami du French Doctor, le président gabonais Omar Bongo. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, sans taxes professionnelles, monte le son et sans doute tes impôts locaux. Come on, I'm moving. Hey, you know you never gonna lose control.